Voilà donc la communauté musulmane turque de Belgique accueille aujourd'hui donc différentes personnalités venant d'Istanbul, en particulier donc l'imam prédicateur principal d'Istanbul, Monsieur Mustafa Akgül, donc l'imam de la mosquée Süleymaniye, Monsieur Ekrem Nalbant, et l'imam de la mosquée Eyüp Sultan, Monsieur Erhan Mete. Donc, à l'occasion de la fin de l'année 2013 et du nouvel an, chaque année, nous organisons des activités autour du thème du Coran. Et là, ce sont des psalmodieurs et des prédicateurs de renommée d'Istanbul et de Turquie qui viennent nous honorer dans ce genre d'activité. Cette fois-ci, donc, nous l'organisons à 7 endroits différents. Namur en faisait partie. Donc nous sommes aujourd'hui fiers de pouvoir les accueillir et de faire bénéficier de leur expérience, de leurs connaissances et surtout de leur voix qui résonne toujours dans nos oreilles parce que ce sont des psalmodieurs de renommée. Et donc aujourd'hui nous avons vécu des moments exceptionnels qui nous permettra, Inch'Allah, donc de nous préparer pour l'année 2014. C'était le but de ces activités qui tournent autour du thème de la récitation du Coran et également donc un moyen pour nous de nous mettre en question par rapport à ce que nous avons vécu donc l'année passée, tout au long de cette année finalement, et de faire en sorte de réunir encore une fois la communauté autour de cette activité. Okay. Et sur quel thème se portait la conférence? La conférence était surtout l'importance du message du Coran, la manière dont nous avons adopté le Coran, comment est-ce que nous devons le comprendre, comment est-ce que nous devons le lire, quelles sont nos responsabilités par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quels sont évidemment les messages principaux qu'il nous offre. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين ويتفكرون الكون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا وما للظالمين من أنصار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ يَخْلُقْ يبذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الفاتحة.